Killer 59. Dans mon 59, j'ai du style, mon pote. K2LER. J'avance, j'ai le style qui te baisse, des rimes qui te blessent sur le style, choc comme la braise. Je vise la réussite, pas la défaite. Dans ma vie, je reste pas sur place, je progresse. J'ai le style qu'il faut pour mettre tout le monde à mon niveau. Les jaloux au chaos, et juste au cas où, je vais vous mettre à genoux. C'est le nouveau du renouveau, du Babtou. Dans ma vie, je fais face, je me cache pas derrière un masque, je te suis pas à la trace. Ces embrouilles entre potes, les fausses paroles, les personnes qui veulent nous mettre la carotte, comme une lettre à la poste, sans mettre la capote. On dit stop, on fait du rap, no stop, nos zik, nos coups, c'est notre drogue, man. On va te la mettre, alors reste à l'écoute. Sur un coup, on met la cagoule, fais une pierre et deux coups. Toi, tu prends tes jambes à ton cou. Je débarque pour tout péter, je débarque sur la street, c'est le crazy de la cité. Depuis petit, on est décidé, on va se battre pour exister et pour s'améliorer. J'ai le ciel à chaque 16, je remonte dans ton estime. Tu ne peux pas m'esquiver, à chaque ligne tes oreilles cibles. Ta copine elle en redemande, elle est captivée par ma vie, par mon physique. Le son je te le file, mon rap est monté sur batterie, pas sur pile. Mon flow joue pas au pile ou face, depuis toujours j'ai repéré les coups de crasse. J'ai fait des piles de double face, killer la relève. Nombre de filles que j'ai levées, nombre de filles que j'ai levées. Dans mon 50 j'écris sur chaque feuille les rêves de mes frères et mes sœurs, c'est rien que du bonheur. Killer, dans mon 5-9. Les faux MC, vous allez en baver. C'est Killer Prod, une deuxième galaxie. Je suis venu pour vous désarmer.